Mes créances et mes créants, kufr et kafir, sujet extrait du tafsir d'Ibn Kathir. Le kufr ou incrédulité est un sujet habituel de débat. Qui est kafir? Qui devient kafir? Qu'est-ce que le kufr? Ce sont toutes des questions que les gens posent et auxquelles ils essayent de répondre. L'éditeur voudrait souligner certaines questions et faits importants concernant le kufr. Le kufr, à l'époque pré-islamique, signifiait être ingrat. En effet, le Coran emploie le mot kufr pour signifier cela qu'en quelques occasions. Ce type de kufr est une insuffisance morale et n'est pas lié à la croyance, à aqaïd. Une personne peut être ingrate envers les faveurs d'Allah et rester un musulman, quoique ingrate. Ce type de kufr se nomme el-kufr asrar, ou le kufr mineur. De même, le Coran emploie le mot kufr pour parler des personnes qui dissimulent et cachent les réalités, tout comme les fermiers qui cachent des graines dans la terre. Le Coran a également combiné ces significations littérales et a formulé une autre signification à ce mot afin d'identifier ceux qui ont considéré les faveurs d'Allah et n'acceptent pas sa domination et son autorité, et ceux qui ont caché la réalité en la couvrant avec l'incrédulité, kufr. Puis il est devenu un antonyme d'iman ou de croyance. Ainsi, kufr est employé pour signifier l'incrédulité en Allah, et un kafir est un non-croyant. Un kafir peut être quelqu'un qui nie tout à fait l'existence d'Allah ou quelqu'un qui lui associe des associés. C'est ce type de kufr, incrédulité, connu sous le nom d'al-kufr al-akbar ou kufr principal, qui est le sujet de cette discussion. Les catégories d'al-kufr al-akbar, la grande mécréance, s'appellent également al-kufr al-i'tiqadi ou incrédulité basée sur la croyance. Al-kufr al-bawah, ou incrédulité non cachée, en référence à la signification littérale. Il y a 10 types d'al-kufr al-akbar. 1. La mécréance par obstination. Ceci s'applique à quelqu'un qui connaît la vérité et admet la connaître par sa langue. Cependant, il refuse de l'accepter et refuse par entêtement de faire une déclaration de foi, shahada. Allah indique, et on dira, « Jeté dans l'enfer chaque mécréant têtu. » Sourate Qaf. Verset 24. Et non, en vérité, quant à nos signes, il a été très obstiné. Sourate Al-Mudathir, verset 16. 2. L'incrédulité par démenti. Ceci s'applique à quelqu'un qui renie avec le cœur et la langue Allah, les messagers, le jour de la résurrection et le monde invisible. Allah dit, ils reconnaissent les faveurs d'Allah, pourtant ils les renient. La plupart d'entre eux sont des mécréants. Sourate Nahr, verset 83. 3. Kufr al-Kibr, ou l'incrédulité par arrogance et fierté. C'est comme le kufr al-inad, sauf que dans ce cas-ci, une personne refuse de croire par arrogance et mépris. L'incrédulité du diable, Iblis, est un exemple de ce type de kufr. En outre, l'incrédulité de ceux qui considèrent la croyance ainsi que les croyants, qui étaient habituellement indigents et faibles, car dégradants et par conséquent ont appelé les prophètes à l'abandon de ces misérables fidèles, tombent dans cette catégorie de kufr. Allah a dit, ils ont dit, croirons-nous en vous, tandis que les plus méprisants des faibles vous suivent? Sourate 26, verset 111. 4. Kufr juhud, ou l'incrédulité hors de rejet. Ceci s'applique à quelqu'un qui reconnaît la vérité dans son cœur, mais la rejette avec sa langue. L'incrédulité des juifs de Medina, qui ont su que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était le messager final par leur livre, mais qui ont refusé de l'accepter avec leur langue, est un exemple de ce type de kufr. Ce type de kufr est également applicable à ceux qui rejettent toutes les normes nécessaires et admises dans l'islam, telles que la salat et la zakat. Allah dit, ils les nièrent, nos signes, injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Sourate 27, verset 14. Et seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Sourate Luqman, verset 32. 5. Kufr al-nifaq, ou l'incrédulité hors d'hypocrisie. Ceci s'applique à quelqu'un qui feint être un croyant mais cache son incrédulité. Une telle personne s'appelle un munafiq ou un hypocrite. Allah dit, les hypocrites seront dans les plus basses profondeurs de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais de successeur. Surat al-Nisa, verset 145. Et Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, et aux incroyants, le feu de l'enfer pour demeurer éternel. Elle suffira pour eux. Allah les a maudits, et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Sourate Tauba, verset 68. 6. Le kufr istihlal, ou incrédulité de rendre halal ce qui est haram. Ceci s'applique à quelqu'un qui cherche à rendre licite halal cela qu'Allah a rendu illégal, haram, comme le vin et l'adultère. Seulement Allah a la prérogative de rendre les choses halal et haram. Ceux qui cherchent à empiéter sur sa prérogative sont comme ses rivaux et tombent donc en dehors des frontières de la foi. 7. L'incrédulité de détester n'importe quel commandement d'Allah. Ceci s'applique à quelqu'un qui déteste et haït n'importe quel commandement ou révélation d'Allah. Allah dit, et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre et il a rendu donc vaines leurs œuvres. Sourate Mohammed, verset 8-9. 8. Kufr al-istihza, ou incrédulité due à la moquerie ou la dérision. Ceci s'applique à quelqu'un à qui raille et ridiculise n'importe quel commandement ou révélation d'Allah. Allah dit, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les révélations d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec cela à moins qu'elle s'engage dans une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera les hypocrites et les incroyants ensemble dans l'enfer. Sourate An-Nisa, verset 140. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets, le Coran, et de son messager, que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bien rejeté la foi après avoir cru. 9. Kufr al-i'rad, ou incrédulité due à l'action d'éviter. Ceci s'applique à quelqu'un qui se détourne et évite la vérité, et par conséquent se garde d'apprendre ce qu'il devrait apprendre. Allah dit, et qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur, mais qui en détourna le dos, puis en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Sourate Al-Kahf, verset 57. Et c'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Surat Taha, verset 99-101. 10. Kufr istibdal, ou incrédulité du fait d'essayer de substituer les lois d'Allah. Ceci peut prendre les formes suivantes. Rejet de la loi d'Allah, sharia, sans la nier. Démenti de la loi d'Allah et donc de la rejeter. Substitution des lois d'Allah avec les lois synthétiques d'émanation humaine. Le troisième type est à l'étude ici. Ceux qui essaient de substituer les lois d'Allah avec des règles synthétiques se donnent la prérogative purement divine de la législation suprême. C'est le kufr d'incrédulité d'un ordre très supérieur. Allah dit, ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître, et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Surah, Shura, verset 9. Le Sheikh Shankati est un des plus importants du XXe siècle. Les Sheikhs Abdelaziz ibn Baz et Mohamed ben Sarah al-Utaymin étaient parmi ses étudiants. Al-Shankati cite divers exemples des lois synthétiques qui régissent beaucoup de pays musulmans et conclut avoir recours à ce type de système et lui permettre de régir des personnes. Leur richesse, leur vie sociale et dignité, leur esprit et leur religion est un rejet total du Créateur des cieux et de la terre. C'est une rébellion contre la loi divine que le Créateur décrit sachant qu'il connaissait ce qui est bon pour elle. Gloire à lui, il est le Très-Haut et est au-dessus d'avoir un fabricant de koloa. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui redonne la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. Surah, Shura, verset 8. Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdite? Dit, est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Surah Yusuf, verset 10. Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues. Ceci est licite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah, certes ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Surah Nahl, verset 116. D'après Adwa el-Bayan, Ibn Kathir présente ses observations sur le verset 121 de la sourate An'am. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez serfs des associateurs. Cela est en effet du shirk. Ou donnez des associés à Allah. Ce verset est comme le verset. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate Tawba, verset 31. L'interprétation de ce verset à Tirmidhi rapporte qu'Al-Hadi ibn Hatim a dit au messager d'Allah, ils, les juifs et les chrétiens, n'ont pas adoré les rabbins et les prêtres en les prenant comme seigneurs. Le prophète, puisse Allah faire les éloges de son messager devant la plus haute assemblée et puisse-t-il lui accorder le salut, a répondu. Oui, ils ont rendu légal pour eux ce qui était illégal et illégal ce qui était légal. Et ils les ont suivis. C'est comme cela qu'ils les ont adorés. Ash-Shanqati a dit, on comprend du verset, il ne fait partager personne dans sa décision de ses lois. Ceux qui suivent d'autres lois que celles d'Allah sont des mushrikoun, associateurs. Avec beaucoup d'autres versets et traditions, hadiths, ces versets montrent clairement que diriger selon ce qu'Allah n'a pas révélé est une forme flagrante de shirk et de kofr. Ceux qui sont régis par des lois synthétiques d'émanation humaine ne seront pas considérés comme des mécréants à moins qu'ils expriment leur approbation de ces lois et les mettent en application dans leur vie. Ceux qui imposent tyranniquement leurs lois à leurs sujets sont loin de n'importe quelle affiliation avec l'islam. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qui a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate Al-Maïda, verset 50. Le Cheikh Ahmed Shakir, le muhadith réputé, a dit « Maintenant que l'évidence est claire comme le cristal, est-il permis dans la loi d'Allah que des musulmans soient régis dans leur propre pays par des lois qui ont été empruntées à l'Europe païenne? Peuvent-ils être régis par des lois qui sont dictées par des désirs égoïstes et des avis faux et qui sont aisément changés par ceux qui les établissent, qu'ils contredisent la charia ou pas? En effet, la règle islamique concerne ces lois des mécréants et qu'elle représente le kufr et aucun musulman, peu importe qui il est, devrait être excusé pour les approuver ou accepter d'être régi par elles. Le prophète, puisse Allah faire les éloges de son messager devant la plus haute assemblée et puisse-t-il lui accorder le salut, a dit. Maltraiter un musulman est un péché grave et le combattre est du kufr, incrédulité. Il a également dit, puisse Allah faire les éloges de son messager devant la plus haute assemblée et puisse-t-il accorder le salut. Celui qui a des rapports sexuels avec son épouse pendant sa période de menstruation ou la sodomise, celui qui visite un voyant et croit ce qu'il dit, une telle personne a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, voire Umdatul Tafsir, page 4, numéro 17. Et ces formes qu'on appelle Al-Kufr al-Asrar, la petite mécréance. Sur l'incrédulité mineure, ce type de kufr n'exclut pas du sein de l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Maltraiter un musulman est un péché grave et le combattre est du kufr ». Il a également dit « Puisse Allah faire l'éloge de son messager devant la plus haute assemblée et puisse-t-il lui accorder le salut. Celui qui a des rapports sexuels avec son épouse pendant sa période de menstruation ou la sodomise, celui qui visite un voyant et croit ce qu'il dit, une telle personne a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voire l'Umdatul Tafsir. Cela veut dire que celui qui met en application les lois des mécréants et celui qui les approuve est un mécréant. Mais celui qui est soumis à ces lois sans les approuver n'est pas un mécréant. Taous a dit que lorsqu'une personne a demandé à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, la règle concernant celui qui sodomise son épouse, il a répondu « Cette personne m'interroge au sujet du kufr ». Le type d'incrédulité mentionné dans les traditions rapportées ci-dessus se rapporte à l'incrédulité pratique ou à l'incrédulité mineure. Ces actes n'excluent pas une personne du sein de l'islam, même s'ils sont des péchés graves.